Ce sont eux qui reviennent, avait-il dit. Et tous l'avaient compris. Nul ne mettait en doute que ce bolide ne fut le projectile du Gun Club. Quant aux voyageurs qu'il renfermait, les opinions étaient partagées sur leur sort. « Qu'importe, répondait-on unanimement. Vivants ou morts, il faut les tirer de là. » Le plus pressé était de repêcher le projectile. On résolut donc de donner avis au Gun Club de la chute du boulet. 2000 brasses de sonde restaient encore par le fond. Le capitaine Blomsberry, ne voulant pas perdre un temps précieux à les haler, résolut de couper sa ligne. « Nous fixerons le bout sur une bouée, dit-il, et cette bouée nous indiquera le point précis où le projectile est tombé. » Le 14 décembre, à 1h27 du soir, la Susquehanna arrivait dans la baie de San Francisco. Quelques minutes plus tard, une dépêche en quadruple expédition était lancée. Premièrement, au secrétaire de la Marine, Washington. Deuxièmement, au vice-président du Gun Club, Baltimore. Troisièmement, à l'honorable Maston Longspeak, Montagne Rocheuse. Quatrièmement, au sous-directeur de l'Observatoire de Cambridge, Massachusetts. Elle était conçue en ces termes. Par 22,7 de latitude nord et 41,37 de longitude ouest, ce 12 décembre, à 1h17 du matin, projectile de la Columbia tombait dans le Pacifique, envoyé à l'instruction Blomsberry, commandant Susquehanna.